France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah, ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 122. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 25 mai 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es de granit rose ou de cornouaille, tu es pur beurre de Pont-Aven, tu es la bigoudaine ou la biture au chouchène, tu es vieille charrue ou pomme de terre nouvelle, tu es Brézonec et tu es aussi... La Bretagne, elle est poétique et sous-développée. Un beau pays pour les touristes, un moins beau pays par les conditions de vie de ses habitants. Aujourd'hui, frustration bretonne, fierté bretonne. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, ta femme est brésilienne, tu es Bretagne au bout du monde. Alors, ces derniers jours, opération escargot, enfin plutôt gros bigorneau, dans les ports français, puisque les marins-pêcheurs sont très en colère. Et au moment où nous débutons cette émission, du Guilvinec à Saint-Quay-Portrieux, de nombreux ports bretons demeurent fermés ce matin afin de protester contre la hausse faramineuse du carburant. Eh bien, toujours au taquet, la panique au Mangin Palace a donc décidé cette semaine, durant 53 minutes, de mettre les voiles sur la Bretagne. Et pour commencer notre voyage péninsulaire et insulaire des Landes de Genêt aux côtes d'Échiquetée, il faut aller à la rencontre des différents peuples qui se sont installés sur les terres bretonnes. Ensuite, durant quelques minutes, nous tenterons de te prouver combien la Bretagne ne peut plus être considérée aujourd'hui comme un pays d'arriérés. Et dans la foulée, justement, nous t'offrirons un petit montage made in panique consacré au glamour de la crêpe et au chic de la galette. Et puis, nous nous intéresserons alors à la fascinante diaspora bretonne, puisque nous rendrons visite aux différents Bretons de Paris. Et enfin, nous retrouverons Monique et Jean-Claude que nous accompagnerons dans une étrange épopée à travers les quatre départements bretons. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et morbille en tête de chou-fleur. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. She ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. 'Cause we gon' Pump it. Autrement dit, pompe ça, c'est l'évidente conséquence de la marée Black Eyed Peas, ces supertankers qui nous viennent directement de la côte ouest, enfin de Los Angeles, hein, pas de Landerneau. Destination Plumeur Baudou. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace s'est donc affublée d'un magnifique ciré jaune et d'une sublime vareuse coupe-vent afin de visiter la Bretagne, cette province du bout du monde qui a accueilli beaucoup de monde durant sa longue histoire. Déjà, les hommes de la préhistoire y développèrent une culture riche et complexe, à base de gros cailloux plantés en terre. Ses premiers habitants virent tout d'abord arriver les Celtes, fiers et valeureux, à tel point que Jules César lui-même, dans sa guerre des Gaules, va vanter la vigueur des Vénètes de Vannes. Mais pour Jules et ses contemporains, la Bretagne d'alors, c'était une île, la Grande-Bretagne actuelle. Et la péninsule, à l'ouest de la Gaule, c'était l'Armorique, où il n'y avait pas un seul Breton, puisqu'ils étaient tous de l'autre côté de la Manche. Pourtant, au IIIe siècle de notre ère, une bande de barbares, pas du tout vandales, parce que ce sont les Angles et les Saxons, débarquèrent dans la grande île de Bretagne. Cela conduisit quelques petits Bretons à plier bagages et à traverser la Manche pour s'installer en Armorique, donc, qui devient dès lors la Bretagne armoricaine. Les Bretons apportent avec eux leur culture, leurs traditions, mais aussi les sept saints fondateurs de la Bretagne armoricaine. Je voulais vous demander, et c'est un petit peu le motif de ma visite, que pense le peuple breton du concept du Dieu unique? Ça les inquiète, ça ou... Non, mais parce que, bon, la chrétienté, c'est assez jeune, hein, il faut que l'idée fasse son chemin. Et je me demandais, justement, si on pourrait pas faire, dans un premier temps, cohabiter l'idée du Dieu unique avec l'idée de vos dieux anciens à vous. Je prends un exemple tout à fait au hasard. Est-ce que l'homosexualité est quelque chose de répandu chez vous? C'est... Je sais pas. Plus qu'ailleurs, je suppose. Ah non, parce que nous, figurez-vous que... Alors nous, on se tâte, hein, pour savoir si on doit l'autoriser ou l'interdire. L'interdire? Pourquoi faire? Ah bah voilà, et bah c'est exactement ce que je leur dis. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on l'autorise et même qu'on l'encourage. Va! Oui, bon, diverses dissensions et quelques divergences de points de vue existaient dans la Bretagne du Moyen-Âge, constituée en duchés indépendants. La véritable rupture eut lieu au XVe siècle avec une femme majeure de l'identité bretonne. Mais c'était qui donc? C'était Anne de Bretagne, duchesse en sabots. C'était Anne de Bretagne, duchesse en sabots. Revenant de ses domaines en sabots, mirlitontaine. Ah, ah, ah, vive les sabots de bois. Les Bretons sont dans la peine avec des sabots. Les Bretons sont dans la peine avec des sabots. Ils n'ont plus de souveraine avec des sabots. Ils n'ont plus de souveraine avec des sabots. En France, ils suivront leur reine en sabots mirlitontaine. Ah, ah, ah, vive les sabots de bois. Ainsi, Anne, la duchesse de Bretagne, épouse en 1491 Charles VII, le roi de France, qui est tout ému en découvrant cette jeune fille. Elle parlait de voyage dans ses yeux d'océan. Je voyais des rivages de sable blanc. Je me souviens en images des coquillages brûlants. La petite fille de Bretagne avait 15 ans. Et effectivement, Anne de Bretagne avait tout juste 15 ans quand elle épousa le roi de France Charles VIII et non pas 7. Une étape essentielle dans le rattachement du duché de Bretagne à la France qui eut lieu en 1532. Commence alors une période de grande prospérité pour la Bretagne. Les ports se développent et c'est de Saint-Malo que partent les Terre-Neuves, c'est à Lorient que s'installe la Compagnie des Indes Orientales et c'est à Brest que Richelieu fait construire un arsenal d'où partent de fabuleux navires qui sillonnent tous les océans. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Mystéo, Santillano, 18, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Yeah, Ainsi, malgré leur rattachement au royaume de France, les Bretons conservent quelques privilèges qui sont balayés par la Révolution française. Et ça, ça ne leur plaît pas du tout aux Bretons qui deviennent alors contre-révolutionnaires et portent la chouannerie de Quiberon à Vannes, de Pontrieux à Fougères et puis bien sûr de... Venant à Montaigu, la digue, la digue. Venant à Montaigu, la digue du cul. Après la Révolution, avec le blocus imposé par Napoléon et surtout avec la perte des colonies françaises, le commerce en Bretagne s'effondre. Ainsi, la province s'appauvrit au point que le seul animal que peut posséder le paysan breton, comme l'écrivait Pierre-Jacques Elias, c'était le cheval d'orgueil. En ce temps-là, la misère était le lot général au pays bigoudin. Une hantise telle qu'on s'attendait à la rencontrer au détour d'un chemin, sous la forme d'une chienne effrayée, babine retroussée sur les dents jaunes. La chienne du monde. Tu entends ? La chienne du monde. Je quitte le pays ! La chienne ne me prendra pas ! Où iras-tu ? Vers une meilleure planète ! Demain, je prendrai le train à Quimper ! La chienne ne te lâchera pas. Tu deviendras l'un de ses chiens. La chienne du monde, autrement dit la misère, pousse de nombreux Bretons à quitter leur terre natale. La forte croissance démographique favorise cet exode rural et offre également aux bouchers galonnés de la chair à canon à foison. Avoir 20 ans dans les Aurès, ou à Verdun ou au Gabon, avoir 20 ans bien loin de Brest, c'est naturel pour un Breton. Pleurez pas, monsieur, dame, même si l'on pleure aux enterrements, s'il vivait en Bretagne, il y crèverait lentement. Effectivement, quitter la Bretagne, mais un jour y revenir, c'est sans doute une question vitale pour les Bretons de la diaspora. Alors aujourd'hui, ce sont les marins-pêcheurs qui sont légitimement en colère et on se souvient qu'il y a quelques mois, Nicolas Sarkozy était venu au Guilvinec pour tout arranger. Bah descends, on peut le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant, eh ben permets-moi de te dire. Viens. Mais aujourd'hui, rassure-toi, on peut te révéler que toutes les tensions sont effacées et que président Sarkozy va régler tous les problèmes. Bonjour à tous. Voilà, comme j'avais promis, je suis venu voir mes amis, les marins-pêcheurs, en toute simplicité. Et même si les mesures que j'ai annoncées pour les aider sont contraires aux directives européennes, ben j'irai les défendre à Bruxelles. Vous avez des questions ? Oui ? Véronique Lemaître de Paris Match, vous avez dit que vous étiez venu ici en toute simplicité. Ça veut dire que vous avez préféré mettre un costume Prada plutôt qu'un Dior ? Écoutez, j'aime bien les deux. Les deux, c'est la classe. François Rossignol, voici. Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à la question précédente, monsieur le président. Votre costume, c'est Dior ou Prada ? Celui-ci, c'est un Prada. Oui ? Serge Michel, l'hebdo de Lausanne. Vous annoncez beaucoup de mesures pour les marins-pêcheurs, mais avez-vous vraiment un moyen de les financer ? Écoutez, je vous demanderai de bien vouloir respecter ma vie publique. C'est quand même incroyable, ça. Alors, dès la quatrième question, on aborde ma vie publique. Monsieur Michel, c'est pas après vous que j'en ai. Mais si je tape pas du poing sur la table, ça va être quoi les questions d'après ? Le pouvoir d'achat ? Les expulsions arbitraires ? Et pourquoi pas le plan banlieue tant qu'on y est ? Excusez-moi, monsieur, mais vous ne faites pas honneur à votre métier. C'est vrai, ça. De nos jours, les journalistes sont si indélicats et les marins-pêcheurs sont tellement en colère que l'on espère de tout cœur que les manifestations ne vont pas conduire à un nouvel incendie du Parlement de Bretagne à Rennes comme ce fut le cas il y a 14 ans. Eh les mecs, il vient d'être refait à neuf, doucement. En revanche, s'ils le veulent, les marins-pêcheurs peuvent brûler, je ne sais pas moi, la prison de Nantes par exemple, mais après en avoir évacué le célèbre prisonnier. Dans les prisons de Nantes, landi-du-du-du-dan, dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier, personne ne vint le voir. Landi-di-di-di-land, personne ne vint le voir que la fille du geôlier. À la fille du geôlier, un jour il lui demande, landi-di-di-di-land, un jour il lui demande, oui, que dit-on de moi, que dit-on de moi? On dit de vous en ville, landi-di-di-di-land, on dit de vous en ville que vous serez pendu, et vous serez pendu. Mais il faut qu'on me pende, landi-di-di-land, mais il faut qu'on me pende, déliez-moi les pieds, déliez-moi les pieds. La fillette est jeunette, landi-di-di-land, la fillette est jeunette, les pieds lui a déliés, les pieds lui a déliés. Le prisonnier alerte, landi-di-di-land, le prisonnier alerte, dans la Loire s'est jeté, dans la Loire s'est jeté. Dès qu'il fut sur les rives, dès qu'il fut sur les rives, il se prit à chanter, il se prit à chanter. Je chante pour les belles, landi-di-di-land, je chante pour les belles, surtout celles du geôlier, surtout celles du geôlier. Si je reviens à Nantes, oui je l'épouserai dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, y a un prisonnier. Dans les prisons de Nantes, c'est Triane qui s'emparait du patrimoine breton en 1972. Aujourd'hui, c'est la fille du geôlier qui doit être contente de l'inhumaine surpopulation carcérale. Alors maintenant, la pendule granitique du Mangin Palace nous indique qu'il est à présent 11h22 et après avoir survolé l'histoire des contrées bretonnes, il est temps désormais de te prouver combien la Bretagne est entrée de plein pied dans la modernité. Oui, mon ami, sais-tu que le breton d'aujourd'hui a su casser ce cliché qui faisait de lui un arriéré. En 1884, le parrain du clan des Sochaliens, M. Peugeot, se pointa à Crozon, dans le Finistère, afin d'y développer une station balnéaire. À l'époque, tel Christophe Colomb, ce capitaine d'industrie automobile découvrit un territoire vierge et sauvage, où seul le vent d'ouest venait déranger les étendues côtières de Genèse et de Bruyère. Bourrus et méfiants, les autochtones cultivaient quelques modestes parcelles, ou alors ils taquinaient la dorade en baie de Douarnenez, tandis que les plus riches possédaient une maigre vache. Oui, dans ce nouveau monde, pensait M. Peugeot, tout était à construire. Eh bien, à l'image de la presqu'île de Crozon, la Bretagne fut tout au long du XXe siècle exagérément décrite comme une contrée sous-développée, peuplé de paysans et de pêcheurs arriérés, alcooliques et analphabètes. Cela dit, les choses ont heureusement changé puisqu'aujourd'hui, le bout du monde est en plein essor. Certains spécialistes, par exemple, sont très optimistes, notamment quant aux ressources futures de l'économie bretonne. Vraiment, en Bretagne, on peut se faire des genoux en or et je suis poli. Parce que les richesses naturelles ici sont innombrables. Il y a du pétrole sur toutes les plages. Et vraiment, vraiment, quand on a envie de travailler, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. Oui, avec un peu de volonté, le Finistère pourrait bien devenir le Texas, avec Brest même, en lieu et place de Dallas. L'Armorique, je veux la voir et je l'aurai. Au passage, justement, voilà bien longtemps que les Bretons ont devancé la modernité politique américaine, puisqu'il y a presque 20 ans, en 1989, ils avaient déjà élu leur Barack Obama. Une première en France, une première politique, pourrait-on dire, puisque samedi, une petite commune du Finistère va élire le premier maire d'origine africaine. Kofi Yamnian, ce n'est pas un nom breton, est né au Togo. Fils d'un planteur de cacao, il est arrivé en France à l'âge de 18 ans. Naturalisé français il y a une quinzaine d'années, il est marié à une Bretonne et cet ingénieur des mines de 43 ans a choisi de s'établir à Saint-Coulis, près de Châteaulin. Je suis surpris, je suis surtout très ému. Saint-Coulis, qui est une commune rurale, on aurait pu penser que ces gens-là sont des conservateurs, eh bien il n'en est rien. Je vois que Saint-Coulis donne le ton de ce que devrait être la civilisation de demain. Une culture de mélange et une culture de richesse. Une culture de mélange et une culture de richesse, eh bien ce sont également les deux piliers désormais de la production artistique bretonne. Là encore, bien souvent d'ailleurs, combien s'est-on moqué des airs de Biniou et des envolées celtiques de Glenmore ? Bon, ok, c'est tout pourri. Mais à présent, attention, car la musique bretonne rivalise dorénavant avec Missy Elliott ou tout autre rappeur de Los Angeles grâce à une authentique bretonne briochine pur beurre. Cette jeune bretonne décomplexée n'est autre que la fille du compositeur François Budet, le type des Côtes d'Armor, qui chantait dans les 60s « L'eau qui vit de la mer ». Comme quoi, tu ne peux nier que la Bretagne est en pleine mutation. De la même manière, si l'on poursuit ce parallèle évident entre la modernité des États-Unis et celle de la Bretagne, il est fort à parier que très prochainement, les chaînes de télé CNN et Fox News viendront s'inspirer du traitement breton de l'information. Bonsoir. Bienvenue en Antenne 3 Bretagne. Étrangers, Moyen-Orient, le cheikh Aziz Tarek s'est rendu de la Mecque à Baalbek et en ce moment discute les problèmes intrinsèques à l'ambassade grecque au Koweït. Étrangers, toujours, à Paris, Jacques Chirac a remis un chèque aux jeunes de la fac de l'ESSEC. Quelques prises de bec pourtant avec des mecs très incorrects de Supélec qui l'ont traité de tête de cake. Bretagne, enfin. Dans une discothèque de Ploumélec, la police, après enquête, a mis en échec un réseau de coques et de crack planqués dans des bons becs, des carensacs et des pastèques. Sans deck. Et puis, dans cette mutation profonde de la Bretagne, comment ne pas évoquer maintenant l'intérêt majeur que les autorités régionales portent à l'alcoolisme légendaire des Bretons ? Et oui, pourquoi tant de gueules sous le braillard à recouvrance ? Oui, donc j'ai dit à ma mère, il faudrait que je trouve une solution pour Jérôme. Car, sœur, tu vois, j'ai quand même pas le temps d'aller le chercher, de faire les courses, j'ai vraiment pas le temps. Non, bien sûr. Alors, tu vois, j'ai passé une petite annonce pour trouver quelqu'un qui pourrait me rendre ce service. Mmh. De toute façon, c'est juste un quart d'heure par jour, hein. Pas plus, ça m'arrangerait bien. Mais t'as qu'à faire comme ça, alors, si jamais... Oh, ça va être un peu ric-rac, hein, pour les fins de mois. Oh. Sans compter que ce soir, il faut quand même que j'aille chercher ma dinde. Tu t'es vu quand t'as bu de l'eau. Gras, tu vois, un peu, c'est pas sorti de l'auberge encore. Hein. J'ai à préchauffer le four à 250. Mais alors, que fait dorénavant la jeunesse bretonne si elle ne picole plus, ou presque ? Eh bien, elle participe activement à l'économie agricole avec beaucoup d'enthousiasme, figure-toi. On a tendu les moutons, on filait la laine. On a tendu les moutons, on filait la laine. Et réparer la moto avec la clé à laine. Oui, c'est certain, la Bretagne a changé. D'ailleurs, devant cette farandole d'évidence, comment ne pas admettre aujourd'hui qu'elle est pleinement entrée dans le 21e siècle ? Cela dit, note au passage que la clé de cette réussite passe par un alliage subtil entre traditions et mutations. Et pour terminer notre démonstration, justement, prenons un ultime exemple, le plus probant. Comment, grâce à la crêpe, les Bretons se sont offerts l'image d'une région chic, glamour et pas cher, on découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Un dessert succulent. Les crêpes, un délice. Oh, il est bon, ça. Les crêpes. Oh, les crêpes. Oh, c'est bon. Oh, avec du sucre. Mais conseil, mange des crêpes au fromage. Autrefois, autrefois, la galette était le plat du pauvre en Bretagne. Et on en mangeait beaucoup. Le blé noir poussait bien, la terre était pauvre et on se contentait de rendements dérisoires. Maintenant, on déguste encore des galettes, plus dans les villes que dans les campagnes d'ailleurs. Autrefois, le blé noir, le célèbre sarrasin, tant chanté par nos poètes... Si t'es pas trop sucré, si t'es plutôt salé, si t'es pas très dessert, si t'es plutôt fruit de mer, si tu t'es la chantilly, ça te fout la rage. Manger une crème mandouillette, jambon fromage, je vais me dire que c'est pas sain. En 1886, une crêpière quimperoise, Catel Cornic, mettait au point l'ancêtre de la crêpe dentelle, la crêpe en gant, creuse, croustillante et à l'intérieur de laquelle on pouvait introduire de la crème. Elle m'a fait des crêpes au beurre et des bons sablés au beurre et du queen yam au beurre. Je vais y aller parce que j'ai un petit peu mal au cœur. Catel Cornic vend à l'époque sa pâtisserie à la clientèle bourgeoise de Quimper et aux premiers hôtels de Begmail. Sa production, 60 douzaines de crêpes par jour, c'est déjà beaucoup, mais infime, comparé aux 30 000 crêpes par heure fabriquées aujourd'hui sur les machines mécanisées des biscuiteries bretonnes. Oh, mais ça suffit la musique de jeune con, là ! Assez ! Ça commence à bien faire, hein ! Well, he's running around and he doesn't know why. He came too quick last Saturday night. He's got a word to say to you. When he's got to tell you quick, cause it's long been due. You gotta take it easy. Going all around, going shouting out. You gotta take it easy. Going around shouting that he doesn't know how. Paranoid. Do I talk too much? Should I do the gig? He's going round the bend and he can't tell now which of his friends are friends. You got to take it easy. Calling all and all along and all the sides. You got to take it easy. Going round shouting like he doesn't know how. Paranoïa, c'est la psychose printanière de l'australienne Phoebe Kildare sur son album intitulé Weather's Coming, autrement dit le temps qu'il va faire, toujours très inattendu en Bretagne. Il pleuvait sans cesse sur Brest et je t'ai croisé rue de Siam. Alors maintenant, afin de prolonger notre excursion bretonne, il est temps désormais à 11h34 de nous intéresser à une catégorie de Bretons très spécifique, à savoir celles et ceux qui ont choisi de s'installer à Paris et qui sont arrivés par un matin d'hiver à la gare Montparnasse avec un baluchon et quelques inquiétudes mélancoliques. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès, le recouvrant ce que l'on délaisse. La rue de Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse. J'ai l'usure des nuages et de tes caresses. Ainsi, après en avoir ras la crêpe des nuages, certains Bretons choisissent donc de quitter le bout du monde pour tenter de conquérir le cœur de la capitale. En région parisienne, on compte désormais près d'un million de Bretons. C'est énorme. Cela dit, s'acclimater n'est jamais simple, puisqu'au départ, tu débarques de ta province reculée et, par exemple, lorsqu'on te réclame ta carte orange, toi, tu réponds que ben, tu n'as qu'une carte bleue. Résultat, durant les premiers mois, la taquine parisienne ne manque jamais de te rappeler d'où tu viens. Mais Cachine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, et ma cousine, paraît qu'il louche, m'amuse pour moi. Ensemble on fait les 400 coups, bécassine, tu nous rends fous. Bécassine, tu nous rends fous. Cela dit, les mois passent et le Breton finit par trouver ses repères à Paris. Et là, il y a trois cas de figure. Primo, il y a le Breton nostalgique, autrement dit, celui qui croit que ses ancestrales racines bretonnes vont lui permettre de trouver le chemin du succès parisien. Mais franchement, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Le rock américain a puisé dans le blues et la country, qui est elle-même inspirée par de vieilles ballades irlandaises. En Bretagne aussi, il y a une tradition très riche, tu connais ? Très mal. J'aime pas tellement. Le biniou, c'est toujours la même chose, ça me casse les oreilles. Non, c'est pas vrai, il y a des choses très belles. Disons qu'aujourd'hui, il y a un courant de rock celtique et un autre de rock marin, et j'irais plutôt dans cette voie-là. J'ai envie d'écrire une chanson dans le genre de Valparaiso. Évidemment, jamais tu n'entendras une telle chanson. Rock celtique, t'as qu'à croire. En gros, Elvis n'aurait donc jamais existé sans la mélodie des biniou. Ben voyons. Ensuite, il y a le deuxième cas de figure du Breton installé à Paris, celui qui, contrairement au premier, oublie totalement la légendaire modestie de son origine bretonne. En général, ce Breton-là se sent très à l'aise à Paris, mais il est bien plus nuisible que le premier. Ce que je veux dire, c'est que grâce à TF1, vous êtes tous devenus complètement cons. Vous l'avez déjà dit, ça. Oui, mais maintenant, je développe. Grâce à moi, vous pensez que Jean-Pierre Pernaut est un grand journaliste. Grâce à moi, vous pensez que Nolwenn de la Starac est la meilleure chanteuse de France. Grâce à moi, aux 20h de TF1, un accident de voiture au fond de la Lozère, c'est une information nationale. Grâce à moi, les pages de pub durent plus longtemps que les films. Grâce à moi, tout le monde pense que Sarkozy a changé et mesure 1m80. Je continue ? Alors, ça va, Patrick, la démonstration est faite. Patrick n'a fait que son travail. J'espère que son successeur saura faire aussi bien. Mais en tout cas, mieux, c'est impossible. Allez, kenavo les connards ! Oui, Patrick Lelay est breton. Né à Saint-Brieuc, il a d'ailleurs déclaré en août 2005 qu'il n'était pas français. Faudrait donc qu'il nous restitue rapidement toute la thune qu'il a engrangée sur notre temps de cerveau disponible, d'autant qu'il accuse la France d'avoir organisé un génocide culturel en Bretagne. Lelay a tourné, et parfois je te promets, ce n'est pas facile d'être breton. Et enfin, il y a le troisième cas de figure du breton à Paris, celui qui sait à la fois s'intégrer dans le réseau parisien, tout en n'oubliant jamais d'où il vient. C'est le cas, par exemple, de Michel-Édouard Leclerc. Mais mon père était philosophe. Mon père, il disait, on n'a qu'à manger les artichauts. Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Cela dit, il existe une autre catégorie de bretons à Paris, le faux breton. Et ils sont assez nombreux. En général, tu les reconnais aisément car ils brandissent leurs origines bretonnes comme un étendard du grand pardon de Sainte-Anne-d'Auray. Mais ils n'y ont jamais vraiment vécu et au mieux, ils sont venus y passer quelques étés durant leur enfance. Et ils ont une mère d'origine vaguement bretonne. C'est le cas par exemple de Patrick Poivre d'Arvor qui lui est né à Reims, où il a grandi et qui ensuite a fait ses études en partie à Bordeaux, avant de s'installer à Paris. Mais comme PPDA connaît Trégastel, il se dit que breton un jour, breton toujours. Ouais. Enfin, en général, ces bretons-là, tu les démasques assez rapidement. Sans aucune conviction, les bretons dans l'histoire. Allez. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ouais, on sait jamais, oui. Un malentendu, oui. Les bretons dans l'histoire. Et c'est parti. Top en 1491, quelle duchesse de Bretagne, épouse du roi de France, Charles VIII au château d'Angers. Dès 1795, quel marin malouin fut redouté des Anglais dans la guerre de France. Qu'à quelle famille ayant formé les branches de Guéméné et Chabot appartient Henri, fondateur. En 1330, pour quel saint patron des avocats, le chapitre de Tréguier. En 1534, quel explorateur breton prit possession du Canada au nom de François Ier à Gaspé. Je passe. Quel homme de guerre, connétable de France, né vers 1320, près de Dinan, En 1804, quel chef chouan natif du Morbihan. Quel homme politique rené, député des Côtes du Nord, devint président du Conseil en 1950. Je passe. Quel... Enfin bon, au moins avec les faux bretons parisiens, on peut rire un peu. Ce qui est un peu moins le cas avec les anti-bretons, car ils existent et tu peux également les rencontrer lorsque tu crèches à la capitale. Qu'est-ce qu'ils nous veulent les bretons, Justin? Qu'est-ce qu'on a fait de si grave chez Total pour qu'ils nous collent un procès? La marée noire de l'Erica. Bon, ça va, faut pas exagérer, hein. Quelques litres de mazout, ça n'a jamais tué personne. Ça a noirci quelques galets par-ci par-là. De toute façon, il pleut tout le temps dans cette région pourrie, alors ça a été vite nettoyé. Sommes-nous pendant ce temps-là chez Total? On a été discrédités, souillés, humiliés. C'est dégueulasse. Oui, alors effectivement, on a fait quelques gros bénéfices et on n'a rien filé en dédommagement. Seulement aujourd'hui, c'est quoi 12 milliards? C'est que dalle, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Dans cette histoire de procès, ça risque de faire chuter l'action totale. Et ça, c'est grave. Alors là, que faire lorsque tu dois affronter une telle agression anti-bretonne? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution connue de tous les Bretons de Paris. Il faut faire appel à cet homme qui vit dans les hautes plaines, en marge des monts d'Arrée, et qui arrive toujours de l'ouest. A drifter came riding out of the west. You know him as Clint Eastwood. The citizens of Largo didn't know him at all. What did you say your name was again? I didn't. Fear was in their greeting. Murder was in their minds. Eh oui, tu l'ignorais, mais en réalité, Clint Eastwood vit en Bretagne et c'est le protecteur de tous les Bretons de Paris opprimés. Cela dit, Clint n'est pas l'unique figure héroïque des Bretons parisiens, il y en a d'autres et pas des moindres, puisqu'Étienne Dao, par exemple, même la pluie dans les yeux, ce n'est rien, il se démerde. Je me démerde, ce n'est rien, la pluie dans les yeux, fermer son cœur sans remettre à Dieu. Je fais mea culpa, l'amour ne suffit pas. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que t'as pas. Tu t'émerdes plutôt bien, le glam, le décor, le goût de l'image et du confort. Tu fais mea culpa. Te fous de moi, va faire ce que tu peux avec ce que t'as pas. Mes prières seront exaucées, mes pensées qui ne sont que griefs et rejets deviendront indolores dans le bleu des accords et la vie. Toute trace de combat, ça ira, la vie continuera. Désaccord entre l'âme et le corps, même si la flamme au cœur brille encore, tu fais mea culpa. Aimer, tu ne sais pas, t'as fait ce que t'as pu avec ce que t'as pas. Mes prières seront exaucées, mes pensées qui ne sont que griefs et rejets deviendront indolores dans le feu. La vie continuera, c'est ce qu'espère le fringant Étienne Dao sur son dernier album. Mais c'est aussi ce dont rêve l'artisan sabotier de Quimperlé, car pour Yannick, ses sabots, alors qu'à Pékin, pour Dao c'est Tong. Ici, Radio Pékin. Alors maintenant, pour poursuivre notre balade bretonnante en armorique, il est grand temps de retrouver, toujours en direct du Mangin Palace, nos deux héros mous du Bignou, Jean-Claude le Guenadu et Monique l'écu d'Hermine. Car en effet, il y a tout juste 15 jours, pour le grand week-end de la Pentecôte, Jean-Claude a emmené Monique vivre un périple en automobile à travers la Bretagne. Ah, quand je pense à tous ces connards qui sont en train de faire du cul à cul. Oh. Y a étudié les cartes d'un peu près, tout simplement. Encore 2 heures comme ça et tu fais trempette. Quoi, tu fais la tête? Non, mais j'ai sommeil. Puis j'en ai assez de ta bretelle. Ah non, non, tu vas pas remettre ça avec tes îles Seychelles. Mais c'est la crise en ce moment. C'est le marasme. Oui, enfin, au prix de l'essence, un voyage aux Seychelles sera bientôt moins coûteux qu'un plein Seychelles. Et pour commencer notre périple en Bretagne, Jean-Claude décide d'emmener Monique en Ille-et-Vilaine. Allez, viens, je t'emmène dans un super endroit. Il faut pas que tu traînes et tu verras. On ira tous les deux en haut du Mont Saint-Michel. Et les yeux dans les yeux, on se dira des je t'aime. Les cheveux dans le vent, on fera coucou aux mouettes. Amour adolescent ou pour la vie. Sauf que voilà, Monique rappelle à Jean-Claude qu'il ferait mieux de relire ses guides touristiques puisque le Quénon en sa folie a mis le mont en Normandie. Vexé comme un pot, Jean-Claude refuse d'entrer dans ces débats stériles. Il quitte donc la Normandie et le mont Saint-Michel, puis traverse l'Ille-et-Vilaine pour se rendre dans les côtes d'Armor. Et dans la bagnole, Jean-Claude cherche la fréquence d'une radio locale. Oui, rap à gogo, l'émission 50% rap, 50% gogo se termine. Et pour finir en beauté, voici un bonus track, en français une chanson lessive, les Finistères amers, du bon son pour les Bretons. Hey, les gragines bretons, j'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ouais, gras, c'est Finistère amers. Finistère amers. Wesh, wesh, tant mieux, tant mieux. West Side, baby. West Coast d'Armor, Bretagne hardcore, du bon sang à l'armoricaine, Made in Perros Guirec. La Bretagne, ça vous gagne, et nous, avec des crêpes, on vous soigne. Bignou. Jean-Claude est transporté par le rythme du Bignou au point qu'il frôle l'excès de vitesse. Monique lui fait d'ailleurs remarquer que si les voies rapides sont gratuites en Bretagne, la vitesse est limitée à 110 km/h et qu'il y a des radars automatiques et des képis partout. Ah non, dit Jean-Claude, c'est inexact. Pas de képi pour les gendarmes bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Monique, consternée, s'effondre un peu plus encore sur le siège passager de la voiture qui fuse sur les routes de Côte d'Armor. D'ailleurs, Jean-Claude est obligé de s'arrêter à Paimpol pour faire le plein, le temps de vider son compte en banque et de sympathiser avec les indigènes. J'aime Paimpol et sa falaise, son clocher et son grand pardon. Mais j'aime aussi ma Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Salut Matelot. Salut Matelot, parce que Jean-Claude a un objectif, il veut arriver avant la nuit au bout du monde et il explique à Monique jusqu'où il veut aller. Il est à l'est, à l'enfleuve du soupir, où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère. Monique est tout à fait d'accord pour se rendre dans le Finistère. Elle accepte même d'aller faire un tour à Brest. Mais elle demande tout de même à Jean-Claude pourquoi il tient tellement à se rendre dans ce grand port. C'est alors que Jean-Claude lui avoue l'impensable. Il sent dans ses veines couler le sang d'un Breton. Et il veut s'engager sur un navire au long cours, comme tous les Bretons. Chercher un avenir. Monique, à peine étonnée par cette nouvelle lubie du Jean-Claude, lui explique tout de même que s'il veut s'engager comme matelot, il doit comprendre que... J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Monique n'a donc pas la vertu des femmes de marin. Et d'ailleurs, elle demande à Jean-Claude si ces projets-là, c'est pour tout de suite ou pour dans 10 ans? C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. Et j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. Et j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré, la jument de Michaud, son petit poulain a passé dans le pré, manger tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré, manger tout le foin. Quand l'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. Quand l'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. Et effectivement, Monique voit Jean-Claude s'approcher de la clôture du champ dans lequel gambade gaiement la jument de Michaud. Monique supporte avec difficulté les œillades en coin que la jument de Michaud envoie au Jean-Claude. C'est chelou, Zaho, c'est chelou. C'est chelou. Monique est donc prête à taper la jument de Michaud, qui en plus a bouffé tout le foin, cette conne. Voilà, fin de l'histoire braise. Jean-Claude décide donc de reprendre la route. Ainsi, après l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor et le Finistère, le mieux, c'est de terminer le voyage tranquille dans le Morbihan. On ne fait pas de sucre de canne dans le Morbihan. On ne cultive pas la banane dans le Morbihan. Il n'y a pas de vaudou à vanne dans le Morbihan. Oui, mais quand vient les samedis soirs, mon vieux, dans les crêperies, dans les bars, on peut dire que tout le monde est noir dans le Morbihan. Et moi je danse avec le Maui, la Bikino Miu. Oh, je lui fais voir du pays avec la Bikino Miu. Et je lui prouve que les bananes ouyouyou qui font plaisir aux doudous, on peut en trouver à Havana en dansant la Bikino Miu. Aïe, aïe, aïe. On ne connaît pas la jambouaguette dans le Morbihan. Le piment ne chauffe pas les counettes, dis donc, dans le Morbihan. Y'a pas de punch coco en canette dans le Morbihan. Oui, mais pour faire mal les sophies, le calva nous émoustille et ça swing comme aux Antilles, mon vieux, dans le Morbihan. Et moi je danse avec le Maui, la Bikino Miu. Ouais, je lui fais voir du pays avec la Bikino Miu. Et je lui prouve que les bananes qui font plaisir aux doudous, on peut en trouver à banane dans la Bikino Miu. Dans le Morbihan, dans le Morbihan, dans le Morbihan. Mais quand vient le samedi soir, dans les crêperies, dans les bars, on peut dire que tout le monde est noir, ouais, dans le Morbihan. Et moi je danse avec le Maui, la Bikino Miu. Moi je lui fais voir du pays, mon vieux, avec la Bikino Miu. Et je lui prouve que les bananes qui font plaisir aux doudous, on peut en trouver à banane en dansant la Bikino Miu. On peut en trouver à banane en dansant la Bikino Miu. La Biguine aux Bignoux, chanson braise créole, interprétée par les Charlots en 1976. Et c'est là toute la richesse artistique de la Bretagne, le mélange des genres, à savoir le patronage laïque, la faïence design et le korrigan catholique. Ils sont fous, ces Bretons. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre immersion dans la mosaïque bretonne, du phare de la jument à la jument de Michaud, de Bécassine parisienne à ma tante d'Armorique, et du kikafarce allégé à « Tu veux encore du beurre, mignon ?» Nous t'avons offert ce matin un panorama totalement incomplet et complètement subjectif de ce que peut être la Bretagne. Pour finir, revenons quelques instants sur ces marins-pêcheurs bretons en grève depuis quelques jours, puisque le coût du carburant est devenu tel que ces derniers temps, bon nombre d'entre eux travaillaient à perte. Alors, même si la grogne s'atténue un peu, il n'en demeure pas moins que le malaise est profond et sans doute pas limité aux pêcheurs ronchons qui, eux, ont la trouille de voir dans les ports bretons leurs chalutiers remplacés par des plaisanciers. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. » Et que les vents tourneront, nous en allerons. C'était Renaud qu'on écoutit d'une oreille. Voilà, fin du 122e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi la Bretagne, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter en direct pour un nouvel épisode archi loufoque et total foutraque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux, cousin normand. À l'authentique breton que je suis et que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, le maestro Henri Marc Mutel, lui aussi cousin normand. Merci beaucoup, Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Bertrand Durand et de Michel Thomas. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, notre cousine de Mantes-la-Jolie. Merci Flora, merci aussi à Cyril Baer ainsi qu'à Victoire Fauche, nos deux stagiaires. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, là encore un petit breton qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère, From Landerneau, breton pur beurre, pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes normalement récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Portez-vous bien. En attendant d'ici là, surtout ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.